Putain ce bitch j'ai le blues. Putain ce bitch j'ai grave le blues. Putain ce bitch me pousse. Pour trafic ils ont pété mes gousses. Toujours vivant comme Kim Jong-un. Je cache ma tristesse comme le clown. N'arrive qu'à couler dans la brume. On va te faire danser même ton genou. Le bolide débride les lunettes aussi. Je mis la casquette 4-6 rosy. T'as que guetté tu me fais le gros 6 Franky. Fais pas celui qui négocie. Je fume des pètes avec Mahmoud. Quand je marche devant les Schmitt. Je bandit avec Mahmoud. J'ai grandi avec Mahmoud. Putain ce bitch ça se lâche. Putain ce bitch l'autre prend la mâche. Putain ce bitch ça crache. Et après comme des putains ça se cache. Putain ce bitch j'ai le blues. Putain ce bitch j'ai grave le blues. Putain ce bitch j'ai le mousse. Putain ce bitch j'ai grave du flouze. J'suis un Kochowski, appelle-moi Stéphane ou Nicolas. A l'époque c'était chaud quand dans le chariot y'avait que du cola. Hein, ouais nickel là. Elle t'a fait cocu, ouais nickel là. Sous le matelas j'ai un 3-5-7 t'as les nickel là. 6h du mat tu es un sonar. Si je trompe ma femme j'suis un connard. J'ai faim j'ai la dalle comme un collard. Supplément 4 viandes j'suis un gros lard. J'fais demi quand je vois la police. Chargé j'suis pas venu en touriste. J'me pose des questions tout pourries. Mais où sont passés les choristes. Y'a Covid j'me dis putain zbi. J'ai plus de shit j'me dis putain zbi. J'dors plus j'me dis putain zbi. Putain zbi, putain zbi. Y'a Covid j'me dis putain zbi. J'ai plus de shit j'me dis putain zbi. J'dors plus j'me dis putain zbi. Putain zbi, putain zbi. Putain zbi j'ai le blues. Putain zbi j'ai grave le blues. Putain zbi halouf. La mise me fait des kerbelous. Tu boudes. Allah yahti kelmout. J'ai quitté tout l'école maman. J'étais dans le bloc. J'aime pas les troopers. Habesse ton scooter. Ma chérie elle veut que j'perde mon beat sans check, sans produit minceur. J'fais ma vie comme Joe le taxi. Et les gratteurs il faut que me taxer. J'aime pas l'ambiance si j'reste assis. Zbi j'crois j'vais me casser. Miss j'suis pas ton mec. J'm'en fous de toi nique comme mouk. Des fois j'mets de la wax. Elle est jaloux, ils disent des trucs qui vexent. J'poématise, j'dramatise. J't'aime mon tel quand j'dois voir la petite. Ça bug sa mère quand joue en réseau. Demain c'est faire une insta la fibre. Putain zbi j'ai le blues. Putain zbi j'ai grave le blues. Putain zbi j'ai le 12. Ça éclabousse, reste cool le goose. Au chaud dans la sacoche, 9 mm. Beaucoup trop de fils d'up dans le périmètre. Quand t'es présent ça suce fort, ils attendent que t'as l'autre de tourner pour te la mettre. 6h du mat, le flic sonne. T'as la tremblote comme Parkinson. T'es sous Buildy, j'te vois tout pâle, qu'est-ce t'as. Pourtant t'es jaune comme les Simpson. Range Rover, que des têtes carbo. Beubard de viking. Tu veux pas payer, ça sent la guitare, t'as les Gypsy King. Que ça m'isoline, pack de bière posé sur colline. Pendant que ta petite sœur fait des cabrioles comme sur une trampoline. Y'a Covid, j'me dis putain zbi. J'ai plus de shit, j'me dis putain zbi. J'dors plus, j'me dis putain zbi. Putain zbi, putain zbi. Y'a Covid, j'me dis putain zbi. J'ai plus de shit, j'me dis putain zbi. J'dors plus, j'me dis putain zbi. Putain zbi, putain zbi.